Chapitre 29. La convalescence de l'enfant fut longue et dangereuse. Les rechutes se succédaient et mettaient à tout moment son existence en péril. Enfin, au premier beau jour, Serge put sortir pendant les heures chaudes de la journée. La petite Sophie, sa sœur, préservée de la terrible maladie, venait à plaisir aussi fraîche et aussi belle qu'on pouvait le désirer. Depuis sa tentative infructueuse pour évincer la vieille bonne, Marianne affectait de ne plus entrer dans la chambre de son fils. Elle avait fait installer définitivement sa petite fille auprès d'elle et montrait une préférence marquée pour celle-ci. À ceux qui s'en étonnaient, elle répondait « Les manèges d'une vieille servante m'ont enlevé le cœur de mon fils. Je ne veux pas qu'il en soit de même avec ma fille. » Ce rôle de mère sacrifiée rendait Marianne d'autant plus touchante qu'elle le jouait au naturel. Elle se croyait véritablement victime d'une abominable coalition. On la vit au jardin d'été se promener pendant des heures, suivie de la nourrice, qui portait Sophie dans ses bras. Le jeune marquis italien l'y rencontrait régulièrement, et leur causerie était longue et animée. On en rit un peu dans le monde, Madame Tournoff passait pour une écervelée, mais une honnête femme, et l'on ne s'émut pas autrement de sa fantaisie italienne. Cependant, le carême est la saison des concerts. Marianne allait tous les soirs à l'une ou l'autre de ces solennités musicales, ou bien dans le monde, où les vals sont remplacés par des raouts ou des réunions moins nombreuses et plus intimes. Dournoff, toujours seul, car il n'invitait personne à venir voir son abandon, passait son temps au travail. Serge venait le voir à tout moment. Il avait pris l'habitude de prendre son thé du soir dans le cabinet de papa, et le priver de ce plaisir eût été un violent chagrin. Tournoff, heureux de ces marques de tendresse enfantine, s'y prêtait avec joie. Le trio fut bientôt rétabli dans le cabinet du président. La Niagna, Tournoff et son fils connurent encore quelques belles journées pendant que Marianne promenait sa fille au jardin d'été. Un soir, M. Merouf entra pendant que les trois amis s'ébattaient autour d'un grand château de cartes édifié par les soins de Tournoff sur une table monumentale. Serge, étendu sur le tapis de la table, retenait son souffle de peur d'ébranler le fragile édifice. « Tournoff, dit le ministre, je vais vous parler. » Le président remit à la Niagna le paquet de cartes et emmena son beau-père dans un coin éloigné de la vaste pièce. « Non, dit Mirov, plus loin, nous devons être seuls. » Tournoff passa alors dans le salon et referma la porte. « Mon ami, dit le ministre, je vais vous porter un coup terrible, mais j'étais frappé avant vous. » Il chercha le dos d'un siège et s'appuya un moment, puis il s'assit. Tournoff remarqua alors la pâleur mortelle qui couvrait le visage de son beau-père. Il attendit, craignant tout et n'osant provoquer l'annonce du malheur qui semblait devoir le frapper. « Ce n'est pas ma faute, » reprit Merouf, essayant de secouer son accablement. « Ce n'est pas ma faute, j'ai fait de mon mieux et du vivant de ma femme. » Cela ne fut pas arrivé, mais... Vous n'étiez pas l'homme qu'il lui fallait. Que se passe-t-il donc? Demanda Tournoff, ému de l'émotion de son beau-père. Marianne. Le malheureux père ne pouvait achever. Tournoff se leva brusquement. Morte? Dit-il. Plutôt ciel, murmura Merouf. Mais alors, partie. Partie, seule, avec votre fille Sophie. Tournoff sortit du salon comme un fou et fit le tour de la maison déserte. Les domestiques prenaient le thé du soir dans la cuisine. Tout paraissait en ordre, mais madame n'était pas rentrée pour le dîner, ce qui lui arrivait parfois, et la chambre de la petite fille était déserte. Il revint, chancelant et trébuchant contre les murailles. La vue de son beau-père lui rendit quelque énergie. « Pourquoi est-elle partie ? » demanda-t-il avec un geste de vague espérance. « Elle est partie parce que, dit-elle, vous lui aviez fait une vie impossible. » Tournoff fit un geste de dénégation que le ministre arrêta à mi-chemin. « Je sais tout ce que vous me direz, interrompit-il, et je ne puis vous accuser. D'ailleurs, la malheureuse s'est donné tous les torts. Elle n'est pas partie seule. »« Elle n'est pas partie seule ?» s'écria Tournoff d'une voix tonnante. Merouf baissa tristement la tête. « Qui ?» répéta le mari outragé, en broyant entre ses mains le dossier de la chaise dorée qu'il tenait devant lui. « C'est italien, ce marquis. Ils sont partis pour l'étranger tantôt. Vous pouvez les faire arrêter. Arrêter ?» dit amèrement Tournoff. « Fait ramener par les gendarmes la femme qui a publiquement abandonné son foyer, qui gagnerais-je ? Qu'elle aille, la malheureuse, qu'elle suive sa triste destinée. Elle n'était pas faite pour... Tournoff. » Dit Merouf avec douceur. « C'est ma fille. » Le jeune homme s'assit et reprit sa tête à deux mains. Voici ce qu'elle écrit, reprit Mérov en remettant à son gendre une lettre ouverte qu'il lut machinalement. « Cher père, disait la lettre, M. Dournov m'enlève maintenant l'affection de mes enfants, après m'avoir retiré la sienne, sans qu'il me soit possible de me retrouver en faute. Malgré mes instants de prière, il a maintenu dans sa place une servante qui accapare tous mes droits. Je ne puis le supporter. « Quelle est cette servante ? » demanda Mérov, espérant trouver quelque excuse à la conduite de Marianne. « La Niania, » répondit Dournov en haussant les épaules. « Je ne puis le supporter, » reprit-il en continuant la lecture. « Je pars, accompagné par un ami fidèle qui n'a pu voir sans pitié la manière indigne dont je suis traité chez moi. Et j'emmène ma fille afin que sur deux enfants que Dieu m'avait donnés, il m'en reste au moins une qui m'aime. J'ai laissé à mon mari celui qu'il préfère. « Mais c'est de la folie !» s'écria Dournov quand il eut terminé. « C'est de la folie et de la plus dangereuse. Qu'elle aille où sa destinée la mène, la pauvre femme qui a gâté ma vie, mais ma fille, elle ne peut pas la garder avec elle. »« Elle ne la gardera pas longtemps, » fit tristement Mérov. « Cet enfant la gênera bientôt. » Dournov replongea sa tête dans ses mains et s'enfonça dans une méditation douloureuse. Au bout d'un temps qui leur parut à tous deux bien long, Mérov appuya affectueusement la main sous l'épaule de son gendre. Ces deux hommes se regardèrent et se comprirent. Au moment où leurs mains se réunissaient dans une cordiale étreinte, Serge entra dans le salon. « Où est mon papa ? » disait-il en son langage enfantin. « Je vais embrasser mon papa avant d'aller me coucher, et mon grand-père aussi. » La Niania, toujours silencieuse, suivait l'enfant et s'était arrêtée sur le seuil. Les deux hommes enlevèrent l'enfant dans leurs bras unis, et les larmes de rage de l'époux tragé se mêlèrent sur les boucles blondes du petit garçon à celles du père déshonoré dans ses cheveux blancs.